Sur la colline tout là-haut, la belle garde son troupeau, elle s'est endormie. La belle, ne vous endormez pas, car la terre est humide. Allez-vous-en à la maison, vous y verrez les amoureux, soyez sages et prudentes. Et ne dites pas toujours oui comme une fille innocente. Quand vous voudrez vous marier, ne vous sentez pas trop pressé, non, non, ne vous pressez guère. Le bonheur que vous trouverez ne durera pas guère. Vous ne quitterez plus votre maison, resterez au coin de votre feu ou bien chez votre mère. Et chaque fois que vous irez, on dira reviens vite. Au bout de 3 ou de 4 ans, enfant ou fille, vous aurez un enfant, ça criaille. Toute la nuit le bercerez, vous ne dormirez guère. Au bout d'un an ou de 2 ans, l'enfant sera devenu grand, il appellera sa mère. Il vous demandera du pain, peut-être n'en aurez guère. Au bout de 7, 8 ou 9 ans, pauvre fille, vous pleurerez tant, vous serez toute fanée. Alors vous donnerez tant et tant pour n'être pas mariée.